J'suis là, ouais, j'suis bien physique. C'était peut-être mieux quand j'étais invisible. J'suis seul sur ma planète, qu'aucun terrien visite. Je recherche l'infini, je flippe du définitif. La vie et sa divinité sont comme le cercle d'un vinyle. Faut pas que ça saute, faut vestir la cellule. Je lâche la sauce pour les sauces qu'ont l'esprit insalubre. Dans l'homme j'ai assez lu, du coup maintenant je cherche du noir. Mon exutoire, vise ton ampoule, éteins ta lumière du soir. Change de paragraphe, fais paraglas, c'est pareil que l'eau. Prépare un gramme, c'est le sparadrap, c'est pareil de l'eau. On boit même quand y'a pas d'eau casse. Pas besoin d'en porter un pour avoir un pet au casque. Faut-il la paix pour connaître l'amour? Faut-il l'amour pour connaître la paix? Vivement la mort, je veux connaître l'après. Aucun rapport, je vois qu'on est de la peine. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille, j'ai tout noté. J'suis pas solo dans mon exutoire. Toujours au quand faut le faire, j'ai pas le temps d'hésiter. J'ai pas le temps, ce que je veux, c'est le résultat. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille, j'ai tout noté. Je me donne à fond dans mon exutoire. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille sans hésiter. Tout ce que je veux, c'est le résultat. De bougies plantées dans ce merdier et de plus en plus d'eau dans le gaz. La foi au principe humain s'éteint quand on a trop dans le casque. Je vis seul, je ressasse, je lâche des larmes à foison. Je crie seul, je me casse et je crache ma haine dans cloison. Les coins sombres m'éclairent, rendent visible la face, mon ombre. Les tensions se déterrent, je piétine entre les bras de mon oncle. Devant le cahier, j'ai braillé l'exutoire qui m'anime. Dépravé, j'ai bravé les histoires, m'ont pris le panique. Je m'allume la santé, donc je parle pas mal des suicidaires. Je dois m'empêcher d'être mou, frère, même si mes soucis durent. Je te laisse imaginer l'état de l'évier. Quand je recrache ta garde, ce rituel ne te fera pas de cadeau si tu relâches ta garde. Si le savoir est une arme, moi ma parole est gunner. Le mal, j'en connais l'arsenal et sa teneur. Je vois rouge sur feuille blanche, encre bleu, j'y laisse du noir. NO2S, SEK. Et moi-même pour l'exutoire. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille, j'ai tout noté. J'suis pas solo dans mon exutoire. Toujours au quand faut le faire, j'ai pas le temps d'hésiter. J'ai pas le temps, ce que je veux, c'est le résultat. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille, j'ai tout noté. Je me donne à fond dans mon exutoire. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille sans hésiter. Tout ce que je veux, c'est le résultat. Ok. Hey. Nos. Je suis là pour parler franchise, j'aime pas les lèches-culs. Pour habitude de faire à ma guise, en tant que t'ange déchu. J'ai que le mic et ma feuille pour seul exutoire. Si t'es un homme et que tu fais du mal à ta mif, excuse-toi. J'compte pas vous faire chialer en ce moment. J'suis trop remonté que les enfoirés se mettent à t'étaler un coup de presse en un couplet. Allez niquer vos races, y'a que les montagnes qui se croisent pas. Langage que à la South Park, donc écoute quand je te parle. Et si ça joue au con, j'pourrais devenir tactile. Avec gants et mousquetons pour affronter ta sale team. Oublie pas qu'Adagos commence seul, finit en meute. J'emmerde les Darvalos qui croient pas en moi, j'crois pas en eux. J'connais le revers de la médaille, c'est souvent salé. Bien sûr que j'apporte les rutailles en me disant que ça va aller. J'ai le visage marqué par les soucis et tout le reste. N'oublie pas que s'il y a conflit, j'trouverai vos adresses. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille, j'ai tout noté. J'ai tout noté, ouais. J'suis pas solo dans mon exutoire. Toujours au fait quand faut le faire, j'ai pas le temps d'hésiter. J'ai pas le temps, ce que je veux, c'est le résultat. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille, j'ai tout noté. Je donne à fond dans mon exutoire. J'ai pris la plume, j'ai pris la feuille sans hésiter. Tout ce que je veux, c'est le résultat.